Livre 7, troisième partie. J'avoue que je ne fuyais pas l'occasion de me faire connaître, mais je ne la cherchais pas non plus hors de propos. Et il me paraissait fort juste, en servant bien, d'aspirer au prix naturel des bons services, qui est l'estime de ceux qui sont en état d'en juger et de les récompenser. Je ne dirai pas si mon exactitude à remplir mes fonctions était de la part de l'ambassadeur un légitime sujet de plainte. Mais je dirais bien que c'est le seul qui est articulé jusqu'au jour de notre séparation. Sa maison, qu'il n'avait jamais mise sur un bon pied, se remplissait de canailles. Les Français y étaient maltraités, les Italiens y prenaient l'ascendant, et même parmi eux les bons serviteurs attachés depuis longtemps à l'ambassade furent tout malhonnêtement chassés. Entre autres, son premier gentilhomme, qu'il avait été du comte de Froulay et qu'on appelait, je crois, le comte Peati, ou d'un nom très approchant. Le second gentilhomme, du choix de monsieur de Montaigu, était un bandit de Mantoue appelé Dominique Vitali, à qui l'ambassadeur confia le soin de sa maison, et qui, à force de patelinage et de basse lésine, obtint sa confiance et devint son favori, au grand préjudice du peu d'honnêtes gens qui y étaient encore, et du secrétaire qui était à leur tête. L'œil intègre d'un honnête homme est toujours inquiétant pour les fripons. Il n'en aurait pas fallu davantage pour que celui-ci me prît en haine. Mais cette haine avait une autre cause encore qui la rendit bien plus cruelle. Il faut dire cette cause, afin qu'on me condamne si j'avais tort. L'ambassadeur avait, selon l'usage, une loge à chacun des cinq spectacles. Tous les jours à dîner, il nommait le théâtre où il voulait aller ce jour-là, je choisissais, après lui, et les gentilshommes disposaient des autres loges. Je prenais en sortant la clé de la loge que j'avais choisie. Un jour, Vitali n'étant pas là, je chargeai le valet de pied qui me servait de m'apporter la mienne dans une maison que je lui indiquais. Vitali, au lieu de m'envoyer ma clé, dit qu'il en avait disposé. J'étais d'autant plus outré que le valet de pied m'avait rendu compte de ma commission devant tout le monde. Le soir, Vitali voulut me dire quelques mots d'excuse que je ne reçus point. « Demain, monsieur, lui dis-je, vous viendrez me les faire à telle heure dans la maison où j'ai reçu l'affront, et devant les gens qui en ont été les témoins. Ou après-demain, quoi qu'il arrive, je vous déclare que vous ou moi sortirons d'ici. » Ce ton décidé lui en imposa. Il vint au lieu et à l'heure me faire des excuses publiques avec une bassesse digne de lui. Mais il prit à loisir ses mesures, et tout en me faisant de grandes courbettes, il travailla tellement à l'italienne que, ne pouvant porter l'ambassadeur à me donner mon congé, il me mit dans la nécessité de le prendre. Un pareil misérable n'était assurément pas fait pour me connaître, mais il connaissait de moi ce qui servait à ses vues. Il me connaissait bon et doux à l'excès pour supporter des torts involontaires, fier et peu endurant pour des offenses préméditées, aimant la décence et la dignité dans les choses convenables, et non moins exigeant pour l'honneur qui m'était dû qu'attentif à rendre celui que je devais aux autres. C'est par là qu'il entreprit et vint à bout de me rebuter. Il mit la maison sans dessus-dessous. Il en ôta ce que j'avais tâché d'y maintenir de règles, de subordination, de propreté, d'ordre. Une maison sans femme a besoin d'une discipline un peu sévère pour y faire régner la modestie inséparable de la dignité. Il fut bientôt de la nôtre un lieu de crapules et de licences, un repère de fripons et de débauchés. Il donna pour second gentilhomme à Sainté, à la place de celui qu'il avait fait chasser, un autre maquereau comme lui, qui tenait bordel public à la Croix de Malte. Et ces deux coquins, bien d'accord, étaient d'une indécence égale à leur insolence. Or, la seule chambre de l'ambassadeur, qui même n'était pas trop en règle, il n'y avait pas un seul coin dans la maison souffrable pour un honnête homme. Comme Santé ne soupait pas, nous avions le soir, les gentilshommes et moi, une table particulière, où mangeaient aussi l'abbé de Binis et les pages. Dans la plus vilaine gargote, on est servi plus proprement, plus décemment, en linge moins sale, et l'on a mieux à manger. On nous donnait une seule petite chandelle, bien noire, des assiettes d'étain, des fourchettes de fer. Pas encore pour ce qui se faisait en secret, mais on m'ôta ma gondole. Seul de tous les secrétaires d'ambassadeurs, j'étais forcé d'en louer une ou d'aller à pied, et je n'avais plus la livrée de Sainté que quand j'allais au Sénat. D'ailleurs, rien de ce qui se passait au-dedans n'était ignoré dans la ville. Tous les officiers de l'ambassadeur jetaient des hauts cris. Dominique, la seule cause de tout, criait le plus haut, sachant bien que l'indécence avec laquelle nous étions traités m'était plus sensible qu'à tous les autres. Seul de la maison, je ne disais rien au dehors, mais je me plaignais vivement à l'ambassadeur, et du reste, et de lui-même, qui, secrètement excité par son âme damnée, me faisait chaque jour quelque nouvel affront. Forcé de dépenser beaucoup pour me tenir au pair avec mes confrères et convenablement à mon poste, je ne pouvais arracher un sou de mes appointements. Et quand je lui demandais de l'argent, il me parlait de son estime et de sa confiance, comme si elle eût dû remplir ma bourse et pourvoir à tout. Ces deux bandits finirent par faire tourner tout à fait la tête à leur maître, qui ne l'avait déjà pas trop droite, et le ruinait dans un brocantage continuel par des marchés de dupes, qu'ils lui persuadaient être des marchés d'escrocs. Ils lui firent louer sur la Brenta un palazzo le double de sa valeur, dont ils partagèrent le surplus avec le propriétaire. Les appartements en étaient incrustés en mosaïque et garnis de colonnes et de pilastres de très beaux marbres à la mode du pays. Monsieur de Montaigu fit superbement masquer tout cela d'une boiserie de sapin, par l'unique raison qu'à Paris les appartements sont ainsi boisés. Ce fut par une raison semblable que, seul de tous les ambassadeurs qui étaient à Venise, il ôta l'épée à ses pages et la canne à ses valets de pied. Voilà quel était l'homme qui, toujours par le même motif peut-être, me prit en grippe, uniquement sur ce que je le servais fidèlement. J'endurais patiemment ses dédains, sa brutalité et ses mauvais traitements, tant qu'en y voyant de l'humeur, je crus n'y pas voir de la haine. Mais, dès que je vis le dessein formé de me priver de l'honneur que je méritais par mon bon service, je résolus d'y renoncer. La première marque que je reçus de sa mauvaise volonté fut à l'occasion d'un dîner qu'il devait donner à monsieur le duc de Modène et à sa famille, qui était à Venise, et dans lequel il me signifia que je n'aurais pas place à sa table. Je lui répondis, piqué, mais sans me fâcher, qu'ayant l'honneur d'y dîner journellement, si monsieur le duc de Modène exigeait que je m'en abtinsse quand il y viendrait, il était de la dignité de son excellence et de mon devoir de n'y pas consentir. « Comment ? » dit-il avec emportement. « Mon secrétaire, qui même n'est pas gentilhomme, prétend dîner avec un souverain, quand mes gentilshommes n'y dînent pas ?»« Oui, monsieur, lui répliquai-je. Le poste dont m'a honoré votre excellence m'ennoblit si bien tant que je le remplis que j'ai même le pas sur vos gentilshommes, ou soi-disant tels, et suis admis où ils ne peuvent l'être. Vous n'ignorez pas que, le jour que vous me ferez votre entrée publique, je suis appelé par l'étiquette et par un usage immémorial à vous y suivre en habit de cérémonie et à l'honneur d'y dîner avec vous au palais de Saint-Marc. Et je ne vois pas pourquoi un homme qui peut et doit manger en public avec le doge et le sénat de Venise ne pourrait pas manger en particulier avec monsieur le duc de Modène. Quoique l'argument fût sans réplique, l'ambassadeur ne s'y rendit point, mais nous n'eûmes pas occasion de renouveler la dispute, monsieur le duc de Modène n'étant point venu dîner chez lui. Dès lors, il ne cessa de me donner des désagréments, de me faire des passe-droits, s'efforçant de m'ôter les petites prérogatives attachées à mon poste, pour les transmettre à son cher Vitali. Et je suis sûre que s'il eût osé l'envoyer au Sénat à ma place, il l'aurait fait. Il employait ordinairement l'abbé de Binis pour écrire dans son cabinet ses lettres particulières. Il se servit de lui pour écrire à monsieur de Maurepas une relation de l'affaire du capitaine Olivet, dans laquelle, loin de lui faire aucune mention de moi, qui seul m'en était mêlé, il m'ôtait même l'honneur du verbal, dont il lui envoyait un double pour l'attribuer à Patizel, qui n'avait pas dit un seul mot. Il voulait me mortifier et complaire à son favori, mais non pas se défaire de moi. Il sentait qu'il ne lui serait plus aussi aisé de me trouver un successeur qu'à M. Follot, qu'il avait déjà fait connaître. Il lui fallait absolument un secrétaire qui sût l'italien à cause des réponses du Sénat, qui fit toutes ses dépêches, toutes ses affaires sans qu'il se mêlât de rien, qui joignit au mérite de bien servir la bassesse d'être le complaisant de messieurs ces faquins de gentilhomme. Il voulait donc me garder et me mater en me tenant loin de mon pays et du sien, sans argent pour y retourner, et il aurait réussi peut-être s'il s'y fût pris modérément. Mais Vitali, qui avait d'autres vues et qui voulait me forcer de prendre mon parti, en vint à bout. Dès que je vis que je perdais toutes mes peines, que l'ambassadeur me faisait des crimes de mes services au lieu de m'en savoir gré, que je n'avais plus à espérer chez lui que désagréments au dedans, injustice au dehors, et que, dans le décrit général où il s'était mis, ses mauvais offices pouvaient me nuire sans que les bons pussent me servir, je pris mon parti et lui demandai mon congé, lui laissant le temps de se pourvoir d'un secrétaire. Sans me dire ni oui ni non, il alla toujours son train. Voyant que rien n'allait mieux et qu'il ne se mettait en devoir de chercher personne, j'écrivis à son frère et, lui détaillant mes motifs, je le priai d'obtenir mon congé de son excellence, ajoutant que, de manière ou d'autre, il m'était impossible de rester. J'attendis longtemps et n'eus point de réponse. Je commençai d'être fort embarrassé. Mais l'ambassadeur reçut enfin une lettre de son frère. Il fallait qu'elle fût vive, car, quoiqu'il fût sujet à des emportements très féroces, je ne lui en vis jamais un pareil. Après des torrents d'injures abominables, ne sachant plus que dire, il m'accusa d'avoir vendu ses chiffres. Je me mis à rire et lui demandai d'un ton moqueur s'il croyait qu'il y eût dans tout Venise un homme assez sot pour en donner un écu. Cette réponse le fit écumer de rage. Il fit mine d'appeler ses gens pour me faire, dit-il, jeter par la fenêtre. Jusque-là, j'avais été fort tranquille, mais à cette menace, la colère et l'indignation me transportèrent à mon tour. Je m'élançai vers la porte et après avoir tiré le bouton qui la fermait en dedans. « Non pas, monsieur le comte, lui dis-je en revenant à lui d'un pas grave, vos gens ne se mêleront pas de cette affaire. Trouvez bon qu'elle se passe entre nous. » Mon action, mon air, le calmèrent à l'instant même. La surprise et l'effroi se marquèrent dans son maintien. Quand je le vis revenu de sa furie, je lui fis mes adieux en peu de mots. Puis, sans attendre sa réponse, j'allai rouvrir la porte. Je sortis et passai posément dans l'antichambre au milieu de ces gens qui se levèrent à l'ordinaire et qui, je crois, m'auraient plutôt prêté main forte contre lui qu'à lui contre moi. Sans remonter chez moi, je descendis l'escalier tout de suite et sortis sur le champ du palais pour n'y plus rentrer. J'allai droit chez M. Leblond lui conter l'aventure. Il en fut peu surpris, il connaissait l'homme. Il me retint à dîner. Ce dîner, quoique impromptu, fut brillant. Tous les Français de considération qui étaient à Venise s'y trouvèrent. L'ambassadeur n'eut pas un chat. Le consul conta mon cas à la compagnie. À ce récit, il n'y eut qu'un cri, qui ne fut pas en faveur de son excellence. Elle n'avait point réglé mon compte, ne m'avait pas donné un sou, et, réduit pour toute ressource à quelques louis que j'avais sur moi, j'étais dans l'embarras pour mon retour. Toutes les bourses me furent ouvertes. Je pris une vingtaine de sequins dans celle de M. Leblon, autant dans celle de M. de Saint-Cyr, avec lequel, après lui, j'avais le plus de liaison. Je remerciai tous les autres, et en attendant mon départ, j'allai loger chez le chancelier du consulat, pour bien prouver au public que la nation n'était pas complice des injustices de l'ambassadeur. Celui-ci, furieux de me voir fêter dans mon infortune, et lui délaissé, tout ambassadeur qu'il était, perdit tout à fait la tête et se comporta comme un forcené. Il s'oublia jusqu'à présenter un mémoire au Sénat pour me faire arrêter. Sur l'avis que m'en donna l'abbé de Binis, je résolus de rester encore 15 jours, au lieu de partir le surlendemain comme j'avais compté. On avait vu et approuvé ma conduite. J'étais universellement estimé. La seigneurie ne daigna pas même répondre à l'extravagant mémoire de l'ambassadeur, et me fit dire, par le consul, que je pouvais rester à Venise aussi longtemps qu'il me plairait, sans m'inquiéter des démarches d'un fou. Je continuai de voir mes amis. J'allais prendre congé de monsieur l'ambassadeur d'Espagne, qui me reçut très bien, et du comte de Finocchietti, ministre de Naples, que je ne trouvais pas, mais à qui j'écrivis, et qui me répondit la lettre du monde la plus obligeante. Je partis enfin, ne laissant, malgré mes embarras, d'autres dettes que les emprunts dont je viens de parler, et une 50 d'écus chez un marchand nommé Morandi, que Cario se chargea de payer et que je ne lui ai jamais rendu, quoique nous nous soyons souvent revus depuis ce temps-là. Mais quant aux 2 emprunts dont j'ai parlé, je les remboursai très exactement, sitôt que la chose me fut possible. Ne quittons pas Venise sans dire un mot des célèbres amusements de cette ville, ou du moins de la très petite part que j'y pris durant mon séjour. On a vu, dans le cours de ma jeunesse, combien peu j'ai couru les plaisirs de cet âge, ou du moins ceux qu'on nomme ainsi. Je ne changeais pas de goût à Venise, mais mes occupations, qui d'ailleurs m'en auraient empêché, rendirent plus piquantes les récréations simples que je me permettais. La première et la plus douce était la société des gens de mérite. Messieurs Leblon, de Saint-Cyr, Cario, Altuna, et un gentilhomme fort lent, dont j'ai grand regret d'avoir oublié le nom, et dont je ne me rappelle point sans émotion l'aimable souvenir. C'était, de tous les hommes que j'ai connus dans ma vie, celui dont le cœur ressemblait le plus au mien. Nous étions liés aussi avec 2 ou 3 Anglais pleins d'esprit et de connaissances, passionnés de musique, ainsi que nous. Tous ces messieurs avaient leurs femmes, ou leurs amis, ou leurs maîtresses, ces dernières presque toutes filles à talent, chez lesquelles on faisait de la musique ou des bals. On y jouait aussi, mais très peu. Les goûts vifs, les talents, les spectacles nous rendaient cet amusement insipide. Le jeu n'est que la ressource des gens ennuyés. J'avais apporté de Paris le préjugé qu'on a dans ce pays-là contre la musique italienne. Mais j'avais aussi reçu de la nature cette sensibilité de tact contre laquelle les préjugés ne tiennent pas. J'eus bientôt pour cette musique la passion qu'elle inspire à ceux qui sont faits pour en juger. En écoutant les barcaroles, je trouvais que je n'avais pas ouï chanter jusqu'alors, et bientôt je m'en gouais tellement de l'opéra qu'ennuyé de babiller, manger et jouer dans les loges, quand je n'aurais voulu qu'écouter, je me dérobais souvent à la compagnie pour aller de l'autre côté. Là, tout seul, enfermé dans ma loge, je me livrais, malgré la longueur du spectacle, au plaisir d'en jouir à mon aise jusqu'à la fin. Un jour, au théâtre de Saint-Chrysostome, je m'endormis, et bien plus profondément que je n'aurais fait dans mon lit. les airs bruyants et brillants ne me réveillèrent point. Mais qui pourrait exprimer la sensation délicieuse que me firent la douce harmonie et les chants angéliques de celui qui me réveilla? Quel réveil, quel ravissement, quelle extase, quand j'ouvris au même instant les oreilles et les yeux. Ma première idée fut de me croire en paradis. Ce morceau ravissant, que je me rappelle encore et que je n'oublierai de ma vie, commençait ainsi. Conserva mi la bella che si m'accende il cor. Je voulus avoir ce morceau. Je l'eus et je l'ai gardé longtemps. Mais il n'était pas sur mon papier comme dans ma mémoire. C'était bien la même note, mais ce n'était pas la même chose. Jamais cet air divin ne peut être exécuté que dans ma tête, comme il le fut le jour qu'il me réveilla. Une musique, à mon gré bien supérieure à celle des opéras, et qui n'a pas sa semblable en Italie ni dans le reste du monde, est celle des scuole. Les scuole sont des maisons de charité établies pour donner l'éducation à des jeunes filles sans bien, et que la République dote ensuite, soit pour le mariage, soit pour le cloître. Parmi les talents qu'on cultive dans ces jeunes filles, la musique est au premier rang. Tous les dimanches, à l'église de ces quatre scuole, on a durant les vêpres des motets à grand chœur et en grand orchestre, composés et dirigés par les plus grands maîtres de l'Italie, exécutés dans des tribunes grillées, uniquement par des filles dont la plus vieille n'a pas 20 ans. Je n'ai l'idée de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique. Les richesses de l'art, le goût exquis des chants, la beauté des voix, la justesse de l'exécution, tout dans ces délicieux concerts concourt à produire une impression qui n'est assurément pas du bon costume, mais dont je doute qu'aucun cœur d'homme soit à l'abri. Jamais Cario ni moi ne manquions ces vêpres aux mendicanti, et nous n'étions pas les seuls. L'église était toujours pleine d'amateurs. Les acteurs même de l'opéra venaient se former au vrai goût du chant sur ces excellents modèles. Ce qui me désolait étaient ces maudites grilles qui ne laissaient passer que des sons et me cachaient les anges de beauté dont ils étaient dignes. Je ne parlais d'autre chose. Un jour que j'en parlais chez Monsieur Leblond, « Si vous êtes si curieux, me dit-il, de voir ces petites filles, il est aisé de vous contenter. Je suis un des administrateurs de la maison. Je veux vous y donner à goûter avec elles. » Je ne le laissais pas en repos qu'il ne m'eût tenu parole. En entrant dans le salon qui renfermait ces beautés si convoitées, je sentis un frémissement d'amour que je n'avais jamais éprouvé. Monsieur Leblond me présenta l'une après l'autre ces chanteuses célèbres, dont la voix et le nom étaient tout ce qui m'était connu. « Venez, Sophie. » Elle était horrible. « Venez, Katina. » Elle était borgne. « Venez, Bettina. » La petite Vérole l'avait défigurée. Presque pas une n'était sans quelque notable défaut. Le bourreau riait de ma cruelle surprise. Deux ou trois, cependant, me parurent passables. Elles ne chantaient que dans les chœurs. J'étais désolée. Durant le goûter, on les agaça. Elles s'égayèrent. La laideur n'exclut pas les grâces. Je leur en trouvais. Je me disais, on ne chante pas ainsi sans âme. Elles en ont. Enfin, ma façon de les voir changea si bien que je sortis presque amoureux de tous ces laiderons. J'osais à peine retourner à leurs vêpres. J'eus de quoi me rassurer. Je continuais de trouver leurs chants délicieux, et leur voix fardait si bien leur visage que tant qu'elles chantaient, je m'obstinais, en dépit de mes yeux, à les trouver belles. La musique, en Italie, coûte si peu de choses que ce n'est pas la peine de s'en faire faute quand on a du goût pour elle. Je louai un clavecin, et pour un petit écu, j'avais chez moi 4 ou 5 symphonistes avec lesquels je m'exerçais, une fois la semaine, à exercer les morceaux qui m'avaient fait le plus de plaisir à l'opéra. J'y fis essayer aussi quelques symphonies de mes muses galantes. Soit qu'elles plussent, ou qu'on ne voulût cajoler, le maître des ballets du Saint-Jean Chrysostome m'en fit demander deux, que j'eus le plaisir d'entendre exécuter par cet admirable orchestre, et qui furent dansés par une petite Bettina, jolie et surtout aimable fille, entretenue par un Espagnol de nos amis appelé Fagoaga, et chez laquelle nous allions passer la soirée assez souvent. Mais, à propos de filles, ce n'est pas dans une ville comme Venise qu'on s'en abstient. N'avez-vous rien, pourrait-on me dire, à confesser sur cet article? Oui, j'ai quelque chose à dire en effet, et je vais procéder à cette confession avec la même naïveté que j'ai mise à toutes les autres. J'ai toujours eu du dégoût pour les filles publiques, et je n'avais pas à Venise autre chose à m'apporter. L'entrée de la plupart des maisons du pays m'étant interdite à cause de ma place. Les filles de M. Leblond étaient très aimables, mais d'un difficile abord, et je considérais trop le père et la mère pour penser même à les convoiter. J'aurais eu plus de goût pour une jeune personne appelée Mademoiselle de Cattaneo, fille de l'agent du roi de Prusse. Mais Cario était amoureux d'elle, il a même été question de mariage. Il était à son aise, et je n'avais rien. Il avait 100 louis d'appointement, je n'avais que 100 pistoles. Et outre que je ne voulais pas aller sur les brisées d'un ami, je savais que partout, et surtout à Venise, avec une bourse aussi mal garnie, on ne doit pas se mêler de faire le galant. Je n'avais pas perdu la funeste habitude de donner le change à mes besoins. Et, trop occupé pour sentir vivement ce que le climat donne, je vécus près d'un an dans cette ville aussi sage que j'avais fait à Paris. Et j'en suis reparti au bout de 18 mois, sans avoir approché du sexe que 2 seules fois, par les singulières occasions que je vais dire. La première me fut procurée par l'honnête gentilhomme Vitali, quelque temps après l'excuse que je l'obligeais de me demander dans toutes les formes. On parlait à table des amusements de Venise. Ces messieurs me reprochaient mon indifférence pour le plus piquant de tous, vantant la gentillesse des courtisanes vénitiennes et disant qu'il n'y en avait point au monde qui les valussent. Dominique dit qu'il fallait que je fisse connaissance avec la plus aimable de toutes, qu'il voulait m'y mener et que j'en serais content. Je me mis à rire de cette offre obligeante, et le comte Peati, homme déjà vieux et vénérable, dit, avec plus de franchise que je n'en aurais attendu d'un Italien, qu'il me croyait trop sage pour me laisser mener chez des filles par mon ennemi. Je n'en avais en effet ni l'intention ni la tentation, et malgré cela, par une de ces inconséquences que j'ai peine à comprendre moi-même, je finis par me laisser entraîner, contre mon goût, mon cœur, ma raison, ma volonté même, uniquement par faiblesse, par honte de marquer de la défiance, et, comme on dit dans ce pays-là, per non parer troppo coglione. La padoana, chez qui nous allâmes, était d'une assez jolie figure, belle même, mais non pas d'une beauté qui me plût. Dominique me laissa chez elle. Je fis venir des sorbetti, je la fis chanter, et au bout d'une demi-heure, je voulus m'en aller, en laissant sur la table un ducat. Mais elle eut le singulier scrupule de n'en vouloir point, qu'elle ne l'eût gagné, et moi, la singulière bêtise de lever son scrupule. Je m'en revins au palais, si persuadée que j'étais poivrée, que la première chose que je fis en arrivant fut d'envoyer chercher le chirurgien pour lui demander des tisanes. Rien ne peut égaler le malaise d'esprit que je souffris durant 3 semaines, sans qu'aucune incommodité réelle, aucun signe apparent le justifiât. Je ne pouvais concevoir qu'on pût sortir impunément des bras de la padoana. Le chirurgien lui-même eut toute la peine imaginable à me rassurer. il n'en put venir à bout qu'en me persuadant que j'étais conformée d'une façon particulière à ne pouvoir pas aisément être infectée. Et quoique je me sois moins exposée peut-être qu'aucun autre homme à cette expérience, ma santé, de ce côté, n'ayant jamais reçu d'atteinte, m'est une preuve que le chirurgien avait raison. Cette opinion, cependant, ne m'a jamais rendue téméraire, et si je tiens en effet cet avantage de la nature, je puis dire que je n'en ai pas abusé. Mon autre aventure, quoique avec une fille aussi, fut d'une espèce bien différente, et quant à son origine, et quant à ses effets. J'ai dit que le capitaine Olivet m'avait donné à dîner sur son bord et que j'y avais mené le secrétaire d'Espagne. Je m'attendais au salut du canon. L'équipage nous reçut en haie, mais il n'y eut pas une amorce brûlée, ce qui me mortifia beaucoup à cause de Cario, que je vis en être un peu piqué. Et il était vrai que sur les vaisseaux marchands, on accordait le salut du canon à des gens qui ne nous valaient certainement pas. D'ailleurs, je croyais avoir mérité quelques distinctions du capitaine. Je ne pus me déguiser parce que cela m'est toujours impossible. Et quoique le dîner fût très bon et qu'Olivet en fit très bien les honneurs, je le commençai de mauvaise humeur, mangeant peu et parlant encore moins. À la première santé, du moins, j'attendais une salve. Rien. Cario, qui me lisait dans l'âme, riait de me voir grogner comme un enfant. Au tiers du dîner, je vois approcher une gondole. « Ma foi, monsieur, me dit le capitaine, prenez garde à vous, voici l'ennemi. » Je lui demande ce qu'il veut dire, il répond en plaisantant « La gondole aborde, et j'en vois sortir une jeune personne éblouissante, fort coquettement mise et fort leste, qui, dans trois sauts, fut dans la chambre. » Et je la vis, établie à côté de moi, avant que j'eusse aperçu qu'on y avait mis un couvert. Elle était aussi charmante que vive, une brunette de 20 ans au plus. Elle ne parlait qu'italien. Son accent seul eût suffi pour me tourner la tête. Tout en mangeant, tout en causant, elle me regarde, me fixe un moment, puis s'écriant « Bonne Vierge ! Ah, mon cher Brémond ! Qu'il y a de temps que je ne t'ai vu !» Se jette entre mes bras, colle sa bouche contre la mienne et me serre à m'étouffer. Ses grands yeux noirs à l'orientale lançaient dans mon cœur des traits de feu. Et quoique la surprise fît d'abord quelques diversions, la volupté me gagna très rapidement, au point que, malgré les spectateurs, il fallut bientôt que cette belle me contint elle-même, car j'étais ivre, ou plutôt furieux. Quand elle me vit au point où elle me voulait, elle mit plus de modération dans ses caresses, mais non dans sa vivacité. Et quand il lui plut de nous expliquer la cause vraie ou fausse de toute cette pétulance, elle nous dit que je ressemblais, à s'y tromper, à Monsieur de Brémond, directeur des douanes de Toscane. Qu'elle avait raffolé de ce Monsieur de Brémond, qu'elle en raffolait encore, qu'elle l'avait quitté parce qu'elle était une sotte, qu'elle me prenait à sa place, qu'elle voulait m'aimer parce que cela lui convenait, qu'il fallait par la même raison que je l'aimasse tant que cela lui conviendrait, et que, quand elle me planterait là, je prendrais patience comme avait fait son cher Brémond. Ce qui fut dit fut fait. Elle prit possession de moi comme d'un homme à elle, me donnait à garder ses gants, son éventail, son cinda, sa coiffe, m'ordonnait d'aller ici ou là, de faire ceci ou cela, et j'obéissais. Elle me dit d'aller renvoyer sa gondole, parce qu'elle voulait se servir de la mienne, et j'y fus. Elle me dit de m'ôter de ma place, et de prier Cario de s'y mettre, parce qu'elle avait à lui parler, et je le fis. Ils causèrent très longtemps ensemble, et tout bas. Je l'ai laissé faire. Elle m'appela, je revins. « Écoute, Zanetto, me dit-elle, je ne veux point être aimée à la française, et même il n'y ferait pas bon au premier moment d'ennui. Va-t'en. Mais ne reste pas à demi, je t'en avertis. » Nous allâmes, après le dîner, voir la verrerie à Murano. Elle acheta beaucoup de petites breloques qu'elle nous laissa payer sans façon. Mais elle donna partout des tringueltes beaucoup plus forts que tout ce que nous avions dépensé. Par l'indifférence avec laquelle elle jetait son argent et nous laissait jeter le nôtre, on voyait qu'il n'était d'aucun prix pour elle. Quand elle se faisait payer, je crois que c'était par vanité plus que par avarice. Elle s'applaudissait du prix qu'on mettait à ses faveurs. Le soir, nous la ramenâmes chez elle. Tout en causant, je vis deux pistolets sur sa toilette. « Ah ah !» dis-je en prenant un. « Voici une boîte à mouches de nouvelle fabrique. Pourrait-on savoir quel en est l'usage ? Je vous connais d'autres armes qui font feu mieux que celle-là. » Après quelques plaisanteries sur le même ton, elle nous dit, avec une naïve fierté qui la rendait encore plus charmante, « Quand j'ai des bontés pour des gens que je n'aime point, je leur fais payer l'ennui qu'ils me donnent. Rien n'est plus juste. Mais en endurant leurs caresses, je ne veux pas endurer leurs insultes, et je ne manquerai pas le premier qui me manquera. » En la quittant, j'avais pris son heure pour le lendemain. Je ne la fis pas attendre, je la trouvai investita di confidenza, dans un déshabillé plus que galant qu'on ne connaît que dans les pays méridionaux, et que je ne m'amuserai pas à décrire, quoique je me le rappelle trop bien. Je dirai seulement que ses manchettes et son tour de gorge étaient bordés d'un fil de soie garni de pompons couleur de rose. Cela me parut animer une fort belle peau. Je vis ensuite que c'était la mode à Venise, et l'effet en est si charmant que je suis surpris que cette mode n'ait jamais passé en France. Je n'avais point l'idée des voluptés qui m'attendaient. J'ai parlé de Madame de Larnage dans les transports que son souvenir me rend quelquefois encore. Mais qu'elle était vieille et laide et froide auprès de ma Zulietta. Ne tâchez pas d'imaginer les charmes et les grâces de cette fille enchanteresse. Vous resteriez trop loin de la vérité. Les jeunes vierges des cloîtres sont moins fraîches. Les beautés du sérail sont moins vives. Les houris du paradis sont moins piquantes. Jamais si douce jouissance ne s'offrit au cœur et au sens d'un mortel. Ah, du moins si je l'avais su goûter pleine et entière un seul moment. Je la goûtais, mais sans charme. J'en émoussais toutes les délices. Je les tuais comme à plaisir. Non, la nature ne m'a point fait pour jouir. Elle a mis dans ma pauvre tête le poison de ce bonheur ineffable, dont elle a mis l'appétit dans mon cœur. S'il est une circonstance de ma vie qui peigne bien mon naturel, c'est celle que je vais raconter. La force avec laquelle je me rappelle en ce moment l'objet de mon livre me fera mépriser ici la fausse bienséance qui m'empêcherait de le remplir. Qui que vous soyez, qui voulez connaître un homme, osez lire les deux ou trois pages suivantes. Vous allez connaître à plein Jean-Jacques Rousseau. J'entrai dans la chambre d'une courtisane comme dans le sanctuaire de l'amour et de la beauté. J'en crus voir la divinité dans sa personne. Je n'aurais jamais cru que, sans respect et sans estime, on pût rien sentir de pareil à ce qu'elle me fit éprouver. À peine eus-je connu, dans les premières familiarités, le prix de ses charmes et de ses caresses, que, de peur d'en perdre le fruit d'avance, je voulus me hâter de le cueillir. Tout à coup, au lieu des flammes qui me dévoraient, je sens un froid mortel couler dans mes veines, les jambes me flageolent, et, prête à me trouver mal, je m'assieds et je pleure comme un enfant. Qui pourrait deviner la cause de mes larmes et ce qui me passait par la tête en ce moment? Je me disais, cet objet dont je dispose est le chef-d'œuvre de la nature et de l'amour. L'esprit, le corps, tout en est parfait. Elle est aussi bonne et généreuse qu'elle est aimable et belle. Les grands, les princes, devraient être ses esclaves. Les sceptres devraient être à ses pieds. Cependant la voilà, misérable coureuse, livrée au public. Un capitaine de vaisseau marchand dispose d'elle, elle vient se jeter à ma tête. À moi, qu'elle sait qui n'est rien. À moi, dont le mérite, qu'elle ne peut connaître, est nul à ses yeux. Il y a là quelque chose d'inconcevable. Ou mon cœur me trompe, fascine mes sens et me rend la dupe d'une indigne salope, ou il faut que quelques défauts secrets que j'ignore détruisent l'effet de ses charmes et la rendent odieuse à ceux qui devraient se la disputer. Je me mis à chercher ce défaut avec une contention d'esprit singulière, et il ne me vint pas même à l'esprit que la V pût y avoir part. La fraîcheur de ses chairs, l'éclat de son coloris, la blancheur de ses dents, la douceur de son haleine, l'air de propreté répandu sur toute sa personne, éloignaient de moi si parfaitement cette idée qu'en doute encore sur mon état depuis la Padoana, je me faisais plutôt un scrupule de n'être pas assez sain pour elle. Et je suis très persuadée qu'en cela, ma confiance ne me trompait pas. Ces réflexions, si bien placées, m'agitèrent au point d'en pleurer. Zulietta, pour qui cela faisait sûrement un spectacle tout nouveau dans la circonstance, fut un moment interdite. Mais, ayant fait un tour de chambre et passé devant son miroir, elle comprit, et mes yeux lui confirmèrent que le dégoût n'avait pas de part à ce rat. Il ne lui fut pas difficile de m'en guérir et d'effacer cette petite honte. Mais au moment que j'étais prêt à me pâmer sur une gorge qui semblait pour la première fois souffrir la bouche et la main d'un homme, je m'aperçus qu'elle avait un téton borgne. Je me frappe, j'examine, je crois voir que ce téton n'est pas conformé comme l'autre. Me voilà, cherchant dans ma tête comment on peut avoir un téton borgne. Et persuadé que cela tenait à quelque notable vice naturel, à force de tourner et retourner cette idée, je vis clair comme le jour que dans la plus charmante personne dont je pusse me former l'image, je ne tenais dans mes bras qu'une espèce de monstre, le rebut de la nature, des hommes et de l'amour. Je poussai la stupidité jusqu'à lui parler de ce téton borgne. Elle prit d'abord la chose en plaisantant, et dans son humeur folâtre, dit et fit des choses à me faire mourir d'amour. Mais, gardant un fond d'inquiétude que je ne pus lui cacher, je la vis enfin rougir, se rajuster, se redresser, et, sans dire un seul mot, s'aller mettre à sa fenêtre. Je voulus m'y mettre à côté d'elle. Elle s'en ôta, fut s'asseoir sur un lit de repos, se leva le moment d'après, et, se promenant dans la chambre en s'éventant, me dit d'un ton froid et dédaigneux « Zanetto, lascia le donne e studia le matematica. » Avant de la quitter, je lui demandai pour le lendemain un autre rendez-vous, qu'elle remit au troisième jour, en ajoutant, avec un sourire ironique, que je devais avoir besoin de repos. Je passai ce temps mal à mon aise, le cœur plein de ses charmes et de ses grâces, sentant mon extravagance, me la reprochant, regrettant les moments si mal employés, qu'il n'avait tenu qu'à moi de rendre les plus doux de ma vie, attendant avec la plus vive impatience celui d'en réparer la perte, et néanmoins inquiet encore, malgré que j'en eusse, de concilier les perfections de cette adorable fille avec l'indignité de son état. Je courus, je volai chez elle à l'heure dite. Je ne sais si son tempérament ardent eût été plus content de cette visite. Son orgueil l'eût été du moins. Et je me faisais d'avance une jouissance délicieuse de lui montrer de toute manière comment je savais réparer mes torts. Elle m'épargna cette épreuve. Le gondolier, qu'en abordant j'envoyais chez elle, me rapporta qu'elle était partie la veille pour Florence. Si je n'avais pas senti tout mon amour en la possédant, je le sentis bien cruellement en la perdant. Mon regret insensé ne m'a point quitté. Tout aimable, toute charmante qu'elle était à mes yeux, je pouvais me consoler de la perdre, mais de quoi je n'ai pu me consoler, je l'avoue, c'est qu'elle n'ait emporté de moi qu'un souvenir méprisant.